Et de son côté, Pierre Claver, en Saint-Guillaume, qui suit de près les questions de l'actualité politique, affirme que quoi qu'il en soit, pouvoir et opposition devront se mettre ensemble pour trouver la solution à la crise. Il trouve en outre que la médiation est encore à la phase préliminaire. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Léonce Vitaliou. Comme cela ressort des conclusions préliminaires du rapport que le médiateur a présenté lors du sommet de Dar es Salaam, disons qu'il est encore au stade préliminaire lui-même, le médiateur, pour essayer de comprendre tous les côtés, que ce soit au niveau du gouvernement ou des gens qui combattent ou ne parlent pas le même langage que le gouvernement. Comment percevoir ce problème pour probablement y apporter des solutions dans les phases qui vont suivre. Il y a le gouvernement et la plateforme SNARED qui ne convergent pas sur comment ils peuvent négocier. Est-ce qu'ils peuvent s'asseoir un jour ensemble pour dénouer la crise au Burundi? À première vue, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous sommes dans une situation d'impasse, mais sûrement que avec les efforts qui sont entrepris à gauche, à droite, au niveau intérieur comme au niveau extérieur, je pense qu'il y a possibilité que les positions puissent évoluer et que la situation peut changer. C'est-à-dire que c'est normal au niveau de la médiation, c'est normal que dans les premiers contacts, il soit difficile, et même presque difficile de prévoir, de prédire ce qui peut arriver dans un avenir proche, mais de toute façon, pour les praticiens des médiations, c'est possible qu'on puisse espérer que les positions vont probablement évoluer et que les gens vont s'asseoir ensemble et négocier sur les différents points d'achoppement qui constituent évidemment le problème principal de ce pays. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page sécurité de ce journal, un certain Misago Samuel a été blessé hier soir dans une embuscade lui tendue par des bandits sur la colline Kinyami de la commune Nyabiraba en province Bujumbura rurale. Ce commerçant est rentré chez lui sur cette même colline de Kinyami. Un homme du nom de Ndagijimana Patrice a été kidnappé cette même nuit et de mardi. Et ses ravisseurs l'ont rencontré à son domicile. L'administrateur de la commune Nyabiraba, Ferdinand Simbananiye, dit que sa famille soupçonne des conflits fonciers qui seraient à l'origine de cette disparition. Et 198 travailleurs de Jetra ont été arrêtés ce mardi par des autorités administratives en compagnie des policiers au chef-lieu de la province Chibitoke. D'après les sources policières, ils auraient été soupçonnés de partir joindre les groupes armés et il s'est avéré que ces travailleurs allaient casser des pierres à la colline Muyangi et à la colline Lukana, en commune Lugombo. Les policiers les ont ramenés à Bujumbura et ils ont à leur tour demandé de revenir en se munissant d'une liste pour faciliter leur identification. Et pour Jetra, ce n'est pas pour la première fois que cette activité est menée, mais ils promettent de se conformer plutôt à la règle pour la suite de leurs activités. Et 5 personnes de la colline Kirami, en commune province Luyigi, sont placées près des positions policières. Depuis samedi dernier, le commissaire provincial de la police indique que c'est pour assurer leur protection après qu'ils aient failli être assassinés par le voisin qui leur accuse de sorcellerie. L'administrateur de la commune Luyigi dit qu'il va tenir une réunion de sensibilisation à cette colline pour dissuader la population à s'accuser mutuellement de sorcellerie sans preuve tangible. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Parlons éducation. Les frais de Minerval ont été haussés de plus de 1 000 francs burundais à l'école paramédicale de Bubanza face aux contestations et aux lamentations des élèves. Les responsables scolaires expliquent que la cause de cette hausse du Minerval est liée au paiement des professeurs vacateurs et que ça a été convenu lors de l'Assemblée générale des parents l'année dernière. Les précisions de Space Caritas Cavagnan.

De lui Guirando Ngozi, où le père d'une certaine Mélanie Ndaizeye, alité à l'hôpital autonome de Ngozi, après avoir été blessé par un porc, demande l'aide des bienfaiteurs pour sauver cet enfant menacé par la famine. Son parent indique que personne ne lui vient en aide, précisant que sa famille est indigente et qu'il se trouve loin de cet hôpital de la province Kayanza. Apolline Muzagara nous en dit plus. Cette fillette hospitalisée est âgée de 15 ans, mais n'a qu'à peine 10 kilos. Elle a dès la naissance un problème de développement psychomoteur, comme le dit son père. Son parent, Sikogukira Devin, indique que cette famille est indigente et ne vit que de la mendicité pour vivre. Au lundi, un malheur s'est abattu toujours sur cette même famille. Un porc d'un voisin s'est introduit dans la maison où couchait cette fillette Mélanie et en mangeait tous les pieds, une partie du tibia et péroné, ainsi que la main droite. Cette malheureuse fillette de sa colline natale, Moussanze, en commune et province Kayanza, cet enfant a été conduit à l'hôpital de Kayanza pour transférer le même jour à l'hôpital autonome d'Ongoz. Son père dit que cette fille et sa garde malade sont menacées actuellement par la faim et demandent par conséquent l'intervention de toute âme charitable. Yévin Sikogukira dit même ne pas voir comment sortir de cet hôpital, indiquant qu'il ne peut pas régler la facture d'Est d'Ongozi. Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara. La Banque africaine de développement BAD en sigle en intention d'aider le Burundi dans le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage ainsi que dans d'autres projets. Dans son plan de financement, là jusqu'en 2022, cela a été dit par René Obam Nulang, l'administrateur de la Banque africaine de développement au niveau de l'Afrique centrale. Après son audience avec le président de l'Assemblée nationale dans l'après-midi de ce mardi, M. René Obamlong a mentionné qu'il est venu solliciter ses hautes instructions des autorités du pays, les orientations en matière de la coopération avec la BAD. Son but était aussi de préparer le gouvernement pour qu'il puisse élaborer des projets qui vont amener la population à un développement durable. Et puis, une délégation burundaise se trouve à Genève, en Suisse, pour s'expliquer sur le rapport des trois experts des Nations Unies qui ont visité le Burundi pour essayer de voir l'issue qui sera réservée à ce rapport qui alimente une polémique au sein de la classe politique burundaise. L'Union européenne propose une commission d'enquête indépendante et rapide pour une enquête approfondie, mais le gouvernement est en train de plaider pour que cette commission commence au mois de mars 2017. L'OTAN en de comprendre beaucoup plus les enjeux autour de ce rapport. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et voilà l'actualité internationale en Israël, aux îles Seychelles et en République démocratique du Congo avec Karine Boutoui. En République démocratique du Congo, l'ONU pointe du doigt la responsabilité des autorités dans les violences de Kinshasa qui ont émaillé une manifestation des opposants de Joseph Kabila. C'était terminé à bain de sang le 19 et le 20 septembre. Selon Jeune Afrique, cet haut commissaire a déclaré lors d'une réunion à Genève qu'une enquête doit être indépendante, transparente et crédible pour traduire en justice les auteurs et les instigateurs des violences. Alexis Tambwe Mwamba, le ministre congolais de la Justice, quant à lui, a cherché à assurer sur la tenue des prochaines élections présidentielles. Aux Seychelles, après 2 ans au pouvoir, le président a annoncé sa démission. Réélu en décembre 2015 pour un 3e mandat, James Michel n'ira pas au terme de celui-ci. Sa démission surprise intervient après la défaite de son parti, l'OLEP, aux élections législatives début septembre. À 72 ans, James Michel, au pouvoir depuis 2014, sera remplacé par le vice-président Danny Faure, âgé de 54 ans. Il terminera le mandat de 5 ans entamé par son prédécesseur. En Israël, Shimon Peres, 9e président israélien, est décédé à l'âge de 93 ans ce mercredi, très tôt matin, au sein de l'hôpital Tel HaShomer, à proximité de Tel Aviv. Selon le site de la RFI, l'ancien chef d'État avait été hospitalisé il y a 2 semaines, puis placé sous assistance respiratoire et sédatif pour un AVC majeur accompagné d'une hémorragie interne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, nous rappelons les principaux titres. Le dialogue à Arusha connaît une certaine lenteur. Les uns et les autres demandent que ce dialogue interbondé reprenne dans les meilleurs délais. Certains bureaux de change n'ont pas encore repris le travail parce qu'ils hésitent à signer l'acte d'engagement de respecter les taux d'échange fixés par la Banque centrale. La réaction est du représentant de l'association des échangeurs. Et le système éducatif connaît, plutôt bon, connaît des problèmes liés au manque de moyen la réaction du président du PARCEM. Cela est dit au moment où les frais de Minerval ont été rehaussés de plus de 10 000 francs bondés au lycée paramédical de Boubanza. Et malgré les contestations des élèves, ces derniers sont obligés de payer cet argent destiné à payer leur professeur Wachwa Fadiala assuré la mise en onde à la présentation. Marie-Ange Nzeimana, bonne journée à tout le monde.